Un orage. Son âme était absorbée. Il ne répondait qu'à demi à la vive tendresse qu'elle lui témoignait. Il restait silencieux et sombre. Jamais il n'avait paru si grand, si adorable aux yeux de Mathilde. Presque tous les matins, elle voyait l'abbé Pirard arriver à l'hôtel. Par lui, Julien ne pouvait-il pas avoir pénétré quelque chose des intentions de son père ? Après un aussi grand bonheur, comment expliquer l'air sévère de Julien ? Elle n'osa l'interroger. Elle n'osa. Elle, Mathilde. Le lendemain de grand matin, Julien était au presbytère de l'abbé Pirard. Des chevaux de poste arrivaient dans la cour avec une chaise délabrée louée à la poste voisine. « Un tel équipage n'est plus de saison, » lui dit le sévère abbé d'un air rechigné. « Voici 20 000 francs dont Monsieur de La Mole vous fait cadeau. Il vous engage à les dépenser dans l'année. » Le marquis ajoute « Monsieur Julien de La Vernay aura reçu cet argent de son père, qu'il est inutile de désigner autrement. La reconnaissance implicite de votre haute naissance par cet homme qui gouverne Besançon sera une des conditions tacites de l'arrangement. » Julien était déjà froid et hautain. « Serait-il bien possible, » se disait-il, « que je fusse le fils naturel de quelque grand seigneur exilé par le terrible Napoléon ? Ma haine pour mon père serait une preuve. Je ne serais plus un monstre. » Peu de jours après ce monologue, le 15e régiment de Hussards, l'un des plus brillants de l'armée, était en bataille sur la place d'armes de Strasbourg. Monsieur le chevalier de La Vernay montait le plus beau cheval de l'Alsace. Il était reçu lieutenant. Son air impassible, ses yeux sévères et presque méchants, sa pâleur, son inaltérable sang-froid, commencèrent sa réputation dès le premier jour. Après 5 ou 6 jours d'hésitation, l'opinion publique du régiment se déclara en sa faveur. « Il y a tout dans ce jeune homme, » disaient les vieux officiers goguenards, « excepté de la jeunesse. » Ce fut au milieu des transports de l'ambition la plus effrénée qu'il fut surpris par un jeune valet de pied de l'hôtel de La Mole qui arrivait en courrier. « Tout est perdu, » lui écrivait Mathilde, « accourez le plus vite possible. À peine arrivé, attendez-moi dans un fiacre, près la porte du jardin, au numéro, de la rue, je vous aime. » En quelques minutes, Julien obtint une permission du colonel et partit de Strasbourg. Et ce fut avec une rapidité presque incroyable qu'il arriva au lieu indiqué, près de la petite porte du jardin de l'hôtel de La Mole. Cette porte s'ouvrit. Et à l'instant, Mathilde, oubliant tout respect humain, se précipitait dans ses bras. « Tout est perdu. Mon père est parti dans la nuit de jeudi. Pour où ? Personne ne le sait. Voici sa lettre. Lisez. » « Je pouvais tout pardonner, excepté le projet de vous séduire parce que vous êtes riche. Voilà, malheureuse fille, l'affreuse vérité. Je vous donne ma parole d'honneur que je ne consentirai jamais à un mariage avec cet homme. » Lisez la lettre que je reçois en réponse aux renseignements que j'avais demandé. L'impudent m'avait engagé lui-même à écrire à Madame de Rênal. Renoncez franchement à un homme vil et vous retrouverez un père. Lettre. Ce que je dois à la cause sacrée de la religion et de la morale m'oblige, monsieur, à la démarche pénible que je viens accomplir auprès de vous. On a pu croire convenable de cacher ou de déguiser une partie de la réalité. La prudence le voulait aussi bien que la religion. Pauvre et avide, c'est à l'aide de l'hypocrisie la plus consommée que cet homme a cherché à se faire un état. En conscience, je suis contrainte de penser qu'un de ses moyens pour réussir dans une maison est de chercher à séduire la femme qui a le principal crédit. Il laisse après lui le malheur et des regrets éternels. Etc., etc., etc. Cette lettre, extrêmement longue et à demi effacée par des larmes, était bien de la main de Madame de Rênal. « Je ne puis blâmer Monsieur de La Mole, » dit Julien. « Quel père voudrait donner sa fille chérie à un tel homme ? Adieu !» Julien sauta à bas du fiacre et courut à sa chaise de poste arrêtée au bout de la rue. Il arriva à Verrières un dimanche matin. Il entra chez l'armurier du pays, qui l'accabla de compliments sur sa récente fortune.